Allah n'a pas institué la Bahira, la Saïba, la Wazila ni le Ham, mais ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Allah, et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas.